La banane, c'est vraiment que la banane est fendue, la banane est fendue. Mais la banane dans le... Je veux pas chanter, je veux pas chanter en même temps jouer. Je veux pas chanter. Cette déception. Trop difficile, c'est trop difficile. Il me faut le médiateur. Pas le médiateur. So crazy, man. peace movement. Now we got this. We are. Yeah, man. Tu es anonyme. Il faut déclarer ton pseudo. Arrêter de manger les bananes, tu vas devenir africain. Je suis devenu africain. Non mais je suis tout bas, tout bas, tout bas, tout bas. Moi je suis tout bas, tout bas, tout bas, tout bas. Tout bas, tout bas, tout bas, tout bas. Je reviens.